Chapitre 7e, Chant solaire. En retournant chez lui sur la route menant au Tour, Karim regarde au loin devant lui, non pas pour voir son appartement, mais celui de son cher vieil ami. Tout en marchant, Karim lève les yeux et regarde le haut de la tour A. Le logement est là, du côté droit, tout près du ciel. Ah, si j'habitais au même niveau, dans l'appartement de gauche. Ainsi j'aurais été moi aussi le plus au contact du ciel, tout en étant le plus proche de mon ami. La seule contemplation de l'appartement et du ciel au-dessus procure à Karim une sensation d'exaltation douce, un appel délicieux vers un infini régénérateur. En entrant chez lui, Karim trouve sa mère sur le petit balcon de l'appartement, embellie par une étincelante lumière solaire. Assise sur une peau de mouton, elle roule du couscous sur une gaze CA, en se livrant à sa joyeuse habitude, chantonner. Cette fois-ci, le programme du concert, comme le nomme Karim, présente une chanson déjà entendue plusieurs fois, mais toujours agréable à écouter. Le répertoire de la mère comprend trois thèmes principaux, l'amour, l'exil, la révolte contre les injustices. Depuis quelque temps, actualité oblige, le thème de l'exil s'est enrichi, pour ainsi dire, d'un sous-thème. C'est celui que chantonne actuellement la vieille femme. Karim s'assoit près de sa mère. Elle interrompt sa chanson. « Non, maman, s'il te plaît, chante-la encore une fois, pour moi. Tu aimes cette chanson ?»« Disons que j'aime t'entendre chanter. » Elle hésite. « Allez, relance le fils, s'il te plaît, encore une fois. » « À toi, je ne peux rien refuser. » finit-il par admettre de son plus affectueux sourire. Elle se remet à rouler le couscous dans le large ustensile et reprend à chantonner « Ya la garasse, ya la garasse !»« Sanxu, vous nourrissant du sang du peuple, défendu par vos larbins, justifié par vos mandarins, viendra, oui, viendra le jour béni, où le peuple, opprimé mais digne, se réveillera et de votre immonde présence se débarrassera. De nos cœurs monte la voix des êtres libres, nous appelons à la liberté et à la solidarité. » Karim apprécie en particulier les deux derniers vers. Ils sont une transformation des paroles du fameux hymne du temps de la guerre de libération nationale. Il disait « De nos montagnes monte la voix des hommes libres, nous appelant à l'indépendance. » Et voilà, cette nouvelle chanson correspond à la seconde étape que vit le pays. Désormais, l'appel vient des cœurs et cette fois-ci, pour la liberté et la solidarité dans la patrie indépendante. Ce qui procure un plaisir particulier à Karim est l'identité de l'auteur de ce texte et de sa mise en chanson, sa mère elle-même. Ce nom artistique lui vient de ses parents. Paysans pauvres des hauts plateaux, ils avaient l'habitude le soir de chantonner spontanément des textes composés par eux. Ce genre de création était stimulé et facilité par leur écoute d'autres voisins. Et j'ai lu, pense un jour Karim, avec dégoût, des articles où des intellectuels prétendent que le peuple n'a pas de culture et que sa langue parlée n'est qu'un charabia vulgaire. La mère tire son fils de ses réflexions. « Où étais-tu ? Je t'ai attendu longtemps, et tu ne m'as pas téléphoné pour m'avertir de ton retard. »« Tu as raison, Moïma, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de t'avertir. » Il raconte le drame de la malheureuse vieille femme rencontrée dans la rue, puis raccompagnée chez elle. À la fin du récit, la mère de Karim ne peut empêcher des larmes de briller dans ses yeux. « Ah, que je suis idiot de t'avoir raconté cette histoire !» se reproche son fils. Il s'est rappelé soudain une partie de la vie de sa propre mère. Elle est née dans un bled perdu, un douar des environs de Tiaret. La misère de sa famille était si cruelle que la fille, âgée de 7 ans, fut concédée à une tante. Celle-ci habitait à Oran et disposait de moyens pour nourrir sa nièce. C'est ainsi que la mère de Karim a grandi loin de ses parents naturels. Elle en souffrait beaucoup, malgré l'extrême bonté témoignée envers elle par sa tante. La mère de Karim eut ensuite l'horrible douleur de perdre cette autre source d'affection, et d'une manière atroce. Alors qu'elle avait à peine 17 ans, c'est dans ses bras que mourut sa mère adoptive, après lui avoir murmuré d'une très faible voix sa dernière phrase « Ben Haïti, ma fille, ne l'oublie pas, tu es la date de mon cœur. » Cette émouvante et très belle expression, à son tour, la mère de Karim la répète à tous ses enfants. Tous en éprouvent une très profonde sensation de tendresse maternelle. Cependant, à Karim, outre sa mère, la date de son cœur, ce sont toutes les personnes qui souffrent d'iniquités sociales ou naturelles. Cette dernière, ce sont les maladies physiologiques diverses. Et la première, ce sont les actes qui réduisent l'être humain à un objet ou à un animal, pour en tirer un profit financier illégitime, auquel s'ajoutent le mépris et l'humiliation. Tel est Karim, refus de toute forme d'injustice, qu'elle soit causée par l'être humain ou par la nature. Sa mère n'en est pas étonnée. « Tu as toujours été ainsi, » lui répétait-elle souvent, « depuis que tu es tout petit enfant, et je ne sais pas d'où cela provient. » Lui aussi l'ignore. Il a cherché plus d'une fois à éclaircir cette énigme sans y parvenir. Un seul fait lui est clair. Dans son enfance, marquée par la pauvreté prolétarienne, il souffrait beaucoup non pas de la faim, mais du mépris des autres petits-enfants qui étaient un tant soit peu mieux nantis que lui, et il était terrorisé de voir sa mère, suite à un accouchement, en mourir. Nature et société, toutes les deux injustes. Voilà les deux empreintes qui marquèrent douloureusement la première phase d'existence de Karim. Elles restent deux blessures encore ouvertes, qu'il tente de soigner de toutes ses forces de jeune homme, celle de l'infirmier et celle du militant syndical.